بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل اليوم في الحديث 58 بعد المئة، 58 حديث. يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة فإن تكو صالحة فخير تقدموها وتقدمونها إليه، وإن تكو سوى ذلك فشر تدعونه على رقابكم. Donc selon Abu Huraira, le prophète صلى الله عليه وسلم a dit: hâtez-vous avec la janaza. Car si jamais elle est pieuse, c'est-à-dire le mort est une personne pieuse, alors vous l'apportez ou le transportez vers un bien. Et si jamais elle est autre que cela, c'est-à-dire c'est une personne qui était mauvaise, alors c'est un mal que vous portez sur vos épaules. Donc de faire vite. يقول فضيلة الشيعة من العثيمين رحمه الله تعالى الراوي rapporteur c'est Abu Huraira وضوء الحديث بيّن حكم الإسراع في الجنازة qui vient pour montrer le jugement du fait de se hâter de marcher vite en portant la janaza. نعم. يقول في الشرح الإجمالي question globale du hadith يخبر أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإسراع في تجهيز الميت والسير به وبيّن الحكمة في ذلك. Donc Abu Huraira informe que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de se précipiter à préparer la janaza et de la transporter, et en démontrant la sagesse de cela. بِأَنَّهُ إِنْ كَانَ الْمَيِّتُ صَالِحًا فَذَلِكَ مِنْ مَصْلَحَتِهِ لِلْمُبَادَرَةِ بِإِسَالِهِ إِلَى مَا أَعَدَ اللَّهُ لَهُ مِنَ النَّعِيمِ وَالسُّرُورِ فِي قَبْرِهِ. Donc du fait que si jamais ce mort est une personne qui était pieuse, une personne de bien, alors cela est dans son intérêt de se précipiter à l'emmener vers ce que Allah lui a préparé comme délice et comme joie et comme jouissance dans sa tombe. وَإِنْ كَانَ الْمَيِّتُ خَيْلِ صَالِحٍ فَذَلِكَ مِنْ مَصْلَحَةِ الْحَامِلِهِ وَمَشِّيعِهِ حَيْثُ يَدَعُونَ عَنْ رِقَابِهِمْ شَرًّا وَيَتَخَلَصُونَ مِنْهُمْ. Et que si jamais le mort est une personne qui n'était pas pieuse, alors cela est dans l'intérêt de celui qui le porte d'aller vite, de ceux qui le suivent, du fait qu'ils ont posé sur leurs épaules un mal, donc ils doivent s'en débarrasser au plus vite. Non. يقول في فوائد الحديث مشروعية الإسراع في تجهيز الجنازة والسير بها على وجه لا مشقة فيه ولا تفويت فضيلة. Qu'il est légiféré justement de faire vite en portant la janaza et en la préparant, tant que cela n'apporte pas une difficulté, d'accord, et ne fait pas perdre un mérite. Ça veut dire que marcher vite ne veut pas dire courir non plus, au point de le tomber, de faire tomber la janaza, ou que les gens aient du mal à suivre. C'est marcher vite, mais de façon modérée. ثانياً أن القبر للميت الصالح خير من الدنيا. Que la tombe du mort qui est pieux, cela est meilleur pour lui que la dunya. ثالثاً مشروعية الخلاص من الشر وأهله. Qu'il est légiféré de se débarrasser justement du mal et de ses gens. رابعاً حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم حيث يكرر الحكم ببيان حكمته. Et cela montre la bonne pédagogie du Nabi صلى الله عليه وسلم du fait qu'il lit le jugement avec sa sagesse lorsqu'il enseigne les gens. Et cela montre que nous devons également ne pas ressembler aux mécréants qui, eux, lorsqu'ils font le janaza, marchent lentement, mettent dans une voiture, et les alika. Nous, on fait vite. Comme cela est indiqué dans le hadith. Naam. Abdiyazakon naktafi wa alhamdulillah bil alamin.